Les petites histoires de Tell Me. Les pluches disparues. Timéo venait de vivre quelque chose d'incroyable. Heureux propriétaire d'une boîte à livres, il y avait découvert un curieux ouvrage, contenant uniquement des pages vierges et une couverture toute simple, avec un titre qui sonnait comme une mise en garde. À peine avait-il eu le temps de le feuilleter, qu'il fut propulsé dans un autre monde pour aider des nains de jardin à sauver leurs légumes d'une terrible malédiction. Une fois son aventure terminée, il était revenu dans la vraie vie, seul, au milieu du grand parc, assis sur son banc près de sa boîte. Le livre s'intitulait à présent « Les légumes de glace » et ses pages étaient noircies du récit de son aventure. Pourquoi ce livre était-il magique? Qui l'avait déposé dans sa boîte? Pourrait-il retourner voir les nains? Les questions se bousculaient si fort qu'elles firent des tas de nœuds au cerveau de Timéo. Il fut pris de vertige et laissa tomber son livre. Une main osseuse et fripée le ramassa. « Ça va, mon garçon ? Hein, quoi ? Qu'est-ce que... Oh, c'est vous, monsieur Bilou ? Oui, ça va, j'ai juste un peu mal à la tête. »« Oh, il y a des tas de trucs qui traînent dans l'air en ce moment. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux, je te le dis. »« Dis-moi voir, t'aurais pas un livre pour mon petit Gaston ? Je le garde ce soir, il adore les livres qu'on trouve dans ta boîte. Pas vrai, Gaston ? » ?»« Ouais. » Un petit garçon joufflu se tenait à côté de monsieur Bilou. Ses lunettes avaient des verres si épais qu'elles lui donnaient l'air d'une taupe rosée. C'est qu'elle est vide. Ah non, il y a tellement de chouettes livres d'habitude. Et ce livre que j'ai ramassé, Les légumes de glace, tu l'as terminé? Oui, mais Gaston, plus lumineux qu'un soleil, prit le livre des mains de son grand-père. Il l'ouvrit sous le regard paniqué de Timéo. Les pages voltèrent et... Waouh, ça a l'air trop bien. Il y a des nains de jardin et des légumes zombies. Monsieur Bilou pouffa. Timéo soupira. Le livre magique semblait n'être plus qu'un livre ordinaire, à moins que... Une nouvelle horde de questions remit le bazar dans l'esprit de Timéo. « Je peux l'emprunter? On le ramènera demain, promis !»« Hein, quoi? Oui, d'accord. »« Merci, petit gars. Et soigne-toi, hein !» Timéo les regarda s'éloigner. Ses pensées étaient encore plus en désordre que sa chambre. Le regard dans le vague, il considéra un instant sa boîte. Elle n'était pas vide. Timéo bondit et regarda autour de lui. Personne. Il y avait juste un livre, avec un simple titre. « Une enquête vous attend ». Fébrile, Timéo feuilleta l'ouvrage. Chaque page était vierge, et à mesure que les feuilles glissaient entre ses doigts, il fut pris de vertige, ferma les yeux et vacilla. Quand Timéo rouvrit les yeux, il se trouvait dans le même puits qu'il avait emprunté la première fois, avec les mêmes parois de briques gravées, très vite recouvertes par des étagères garnies de milliers de livres. Cette fois, il se laissa tomber, attendant patiemment d'arriver à destination. La sortie du tunnel était un pot à crayons qui cracha Timéo sur un vieux plancher. Il se trouvait devant un imposant bureau en bois. Une chaise fatiguée traînait dans un coin. Malgré la pénombre, Timéo remarqua la tapisserie guillerette parsemée de soleils souriants, d'arc-en-ciel et autres donuts malicieux. Timéo ouvrit les rideaux. Au même moment, la porte s'ouvrit. « Comment tu es entré ici, toi ?» Timéo, la tête rentrée dans les épaules, se retourna au ralenti. Sa mâchoire manqua de se décrocher quand il vit un ours en pluche dans l'encadrement de la porte, tout juste plus grand que lui. Sans ses poils emmêlés et poussiéreux, ses yeux rouges de fatigue et sa vieille odeur de placard de grand-mère, il aurait été un aimant à câlins. Il fixait Timéo de ses petits yeux noirs en mâchonnant un vieux cure-dent. « J'imagine qu'on t'a volé aussi ton pluche. Une victime de plus. Vas-y, petit. » « Je t'écoute. Prends une chaise. » Timéo lui lança un regard perdu. « Ouh, reste debout, fais comme tu veux. Moi, je vais m'asseoir. » L'ours s'affala derrière son bureau et ouvrit un tiroir. Il sortit une bouteille de jus de papaye qu'il vida cul sec. « Monsieur... »« Bear. »« Monsieur Bear, je viens juste d'arriver. »« Comment ça, tu viens juste d'arriver ?»« Par votre pot à crayon. » Bear jeta un coup d'œil à sa bouteille de jus, puis à Timéo. « Bah, v'là autre chose. » Timéo lui expliqua comment il s'était retrouvé ici. Bear ne broncha pas. « Pourquoi vous pensiez que j'étais une nouvelle victime ?»« En ce moment, pas un jour ne passe sans qu'un enfant ne vienne me voir pour m'annoncer qu'on lui a volé son pluche. »« Il y a un voleur de peluche ?»« Je sais pas ce que c'est une peluche. Moi, je parle de pluche. »« De quoi ?»« De pluche, des créatures comme moi, qui vivent avec les humains. Dans ce monde, on fonctionne par paires depuis toujours. Un humain, un pluche. » Enfin, mon humain Roger est parti, paix à son âme. Désolé. Oh, c'est la vie, mon petit. Il était très âgé, en plus. On a eu une belle vie ensemble. S'il avait été là, je suis sûr qu'on aurait déjà bouclé cette histoire. Et vous avez des pistes ? Rien. Ni trace, ni odeur à suivre. Je sais qu'à chaque fois, le peluche est avec son humain, et puis pouf, il disparaît. Aucune idée de qui pourrait faire ça ? Mais si ! D'ailleurs, l'affaire est déjà résolue. Pardon ? Je voulais juste vous aider. Bah, c'est raté. Timéo dégaina alors sa technique de réflexion préférée, yeux plissés, menton frotté. Il n'y a aucun lien entre les victimes ? Hormis que ce soit des enfants, non. Je parlais des pluches. Ah, c'était tous des types nounours. Timéo fixa Bear en frémissant d'excitation. Je crois qu'il est temps de vous refaire une beauté. Tu ne crois tout de même pas que je vais... Faire l'appât ? Bien sûr que si. Vous allez être une cible idéale. Direction le salon de beauté pour pluches. Douche chaude décontractante, démêlage de poils non sans douleur, rasage, coiffage, parfumage, et voilà. Bear fut comme rajeuni, mais pas vraiment content de la situation. Timéo ne put s'empêcher de lui faire un gros câlin. « Je suis sûr que vous allez être enlevé en un rien de temps. » Ils partirent pour une balade à vélo dans l'immense parc de la ville. Bear, pris au jeu, fit la course contre Timéo. Mais alors qu'il le distançait, l'ours disparut d'un coup, laissant son vélo tomber à terre. Parmi la foule, Timéo aperçut une adulte aux cheveux roses s'éloigner tranquillement, sans peluche à ses côtés. Il la suivit à bonne distance jusqu'à une vieille mine abandonnée. Il attendit quelques minutes avant d'y pénétrer. Le tunnel débouchait dans une première grande salle. Des piles de livres crépitants de magie étaient entreposées dans un coin. Des bougies savamment positionnées formaient d'étranges motifs autour d'un vieux chaudron bleu-blottant. Timéo poursuivit son exploration le plus discrètement possible. Il arriva dans une nouvelle salle remplie de cages dans lesquelles se trouvaient des centaines de pluches désemparées. La femme aux cheveux roses était là. Elle ouvrit son sac, sortit une flasque en verre et la jeta dans une cage vide. Bear apparut sous les murmures horrifiés de ses congénères. Un de plus dans ma collection, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous prend de capturer tous ces nounours ? Tu peux pas comprendre, petit. J'ai perdu mon peluche quand j'avais ton âge. Et alors ? C'est une raison pour kidnapper les peluches des autres ? Oui, personne ne m'a aidé à le retrouver. Oh, mais t'es la petite Nico. On l'a cherché, ton ourson, pendant des semaines même. Ça nous a tous rendus tristes. Et vous avez arrêté les recherches du jour au lendemain. Et vous êtes tous passés à autre chose. Alors vous vous vengez ? Oui ! J'ai étudié toutes sortes de magies pour priver à jamais les humains de pluches de type nounours. Ils seront tous à moi. Et vous ne vous êtes pas dit que la magie pouvait vous aider à retrouver votre pluche ? Mais il disait qu'il n'y avait plus d'espoir. Bon, ça vaut le coup d'essayer, non ? Un rituel magique plus tard, Nico la sorcière retrouva son pluche. Il vivait en ermite à des milliers de kilomètres de là, loin de tout. Lorsqu'il avait perdu la trace de son ami, il avait bien essayé de la retrouver, mais son sens de l'orientation était si nul qu'il s'était retrouvé totalement perdu. Les pluches furent libérées et Nico jura d'utiliser ses pouvoirs pour que plus aucun pluche ni aucun humain ne se perde. Timéo rentra chez lui en sautant dans le pot à crayon. Il s'éveilla, près de sa boîte, le livre dans les mains. Le titre avait changé. Il s'appelait désormais « Les pluches disparues ». C'était une petite histoire de Mathieu Genel. Vous avez une envie d'histoire ? Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !